إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers frères et sœurs du centre Al-Furqan ainsi que ceux qui nous écoutent à la radio, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je commence tout d'abord par remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité cette assise, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'en faire une assise bonne et bénite et profitable pour nous ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Puis mettant en pratique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « N'a pas remercié Allah celui qui ne remercie pas les gens ». Je remercie donc les responsables du centre Al-Furqan pour cette initiative, en commençant par mon frère Mehdi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, ainsi que tous ceux qui s'entraident avec lui dans la gestion de ce centre. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder la réussite et la rectitude, et de bénir vos efforts et de les placer dans la balance de vos bonnes œuvres. Ceci dit, comme cela a été annoncé, nous nous réunissons aujourd'hui pour aborder un sujet bénéfique, incha'Allah ta'ala, qui est l'explication de l'invocation du Qunut, c'est-à-dire lors de la prière du Witr. Comme vous le savez, en ces nuits de Ramadan, nombreux sont les imams à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils se relèvent de l'inclinaison à la dernière unité de prière du Witr. Donc cette invocation, elle s'appelle « Du'aul Qunut », l'invocation du Qunut. L'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, a rapporté d'après Al-Hassan ibn Ali, radiyallahu ta'ala anhuma, le petit-fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a enseigné des paroles que je dis lors du Qunut al-Witr, qui sont « Allahumma hdini fi man hadait, wa aafini fi man aafait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man aadait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Ô Allah, guide-moi avec ceux que tu as guidés. Préserve-moi avec ceux que tu as préservés. Prends-moi pour allié avec ceux que tu as pris pour allié. Bénis pour moi ce que tu m'as accordé et protège-moi du mal de ce que tu as décrété. C'est toi certes qui juges et on ne peut te juger. Ne sera jamais humilié celui que tu as pris pour allié et ne sera jamais honoré celui que tu as pris comme ennemi. Béni sois-tu, ô notre Seigneur, et élevé. » Donc ce hadith, comme on l'a dit, il est rapporté par l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, ainsi qu'Abu Daoud et d'autres, avec quelques petites variantes. Et il a été jugé authentique par l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Il est donc légiféré de faire cette invocation lors du Witr. Et pas seulement pendant le Ramadan, mais tout au long de l'année, tu peux faire cette invocation lorsque tu pries le Witr. Ou bien avant l'inclinaison, c'est-à-dire après la récitation de la Fatiha et de Surat al-Ikhlas, ou bien une fois après t'être relevé de l'inclinaison, après que tu aies prononcé les évocations légiférées à ce moment-là. Sami'allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Après cela, tu lèves les mains à hauteur des épaules, puis tu prononces cette invocation. Et nous allons maintenant, incha'Allah ta'ala, expliquer ses sens, afin de la comprendre et de pouvoir la prononcer d'un cœur présent, incha'Allah ta'ala. On commence donc par dire dans cette invocation, Allahumma hdini fi man hadait. Ô Allah, guide-moi avec ceux que tu as guidés. Et bien sûr, l'imam, comme vous l'entendez, il prononce cette invocation au pluriel. Et il dit « Allahumma hdina fi man hadait ». Car l'imam, il invoque pour lui, mais aussi pour les fidèles qui sont derrière lui. Donc tu commences dans cette invocation par demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider, c'est-à-dire de t'indiquer et t'orienter vers le savoir authentique, vers la science, l'ilm. Mais aussi, tu lui demandes de t'accorder sa mise en pratique. En effet, mes frères, la vraie guidée, celle qui est complète et profitable, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le simple fait d'avoir connaissance de la science? Non. La vraie guidée, c'est celle dans laquelle Allah réunit pour le serviteur entre la science et sa mise en pratique. Car si un homme est guidé vers le savoir, mais que la mise en pratique de ce savoir ne lui est pas accordée, ce savoir, il va lui être profitable ou il va lui être nuisible? Il n'y a pas de doute que ce savoir, il va lui être nuisible. Car si l'homme ne met pas en pratique la science, alors cette science qu'il a apprise, ce sera une preuve contre lui au jour de la résurrection. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, Al-Qur'an, hujjatun laka ou alayk. Le Coran, c'est une preuve pour ou contre toi? C'est une preuve pour toi si tu mets en pratique ces enseignements. Et ce sera une preuve contre toi si tu t'y opposes et ne mets pas en pratique ces enseignements. Il en est de même pour l'ensemble de la science religieuse. De la même manière, lorsque tu dis dans ta prière, Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala d'être guidé vers le savoir, mais aussi qu'il t'accorde sa mise en pratique. C'est pour cela que l'on dit après, sirat al-ladina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, ghayril maghdoubi alayhim waladdallin, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Comme vous le savez, ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les juifs, car ils ont connaissance de la science, connaissance de la vérité, mais ils s'y sont opposés et ne l'ont pas mis en pratique. Quant aux égarés, ce sont les chrétiens, car ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala sans aucune science. Et il en est de même pour toute personne qui délaisse la mise en pratique de la science ou qui adore Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Il fera partie de ceux qui encourent la colère d'Allah ou des égarés. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous guider sur son droit chemin, le chemin de ceux qu'il a comblés de ses faveurs, subhanahu wa ta'ala. Il est donc important, lorsque tu fais cette invocation, que tu prennes conscience de cela. Lorsque tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider, tu lui demandes les deux sortes de guider. La première, qui est le fait qu'il t'oriente vers la science authentique, vers la connaissance de la vérité. Et la deuxième, est qu'il t'accorde la mise en pratique de cette science, car ceci est la finalité de la science. C'est que tu la mettes en pratique. Tu dis donc dans cette invocation, Allahumma hdini, oh Allah, guide-moi, fiman hadayt, avec ceux que tu as guidés. Tu ne dis pas seulement, oh Allah, guide-moi. Pourtant, c'est ça ta demande. Mais tu dis aussi, avec ceux que tu as guidés. Et ceci est une forme de tawassul. C'est-à-dire que tu mentionnes cela comme un moyen permettant d'obtenir la réponse à ta demande. Tu sollicites donc Allah subhanahu wa ta'ala par ce bienfait qu'il a accordé à ceux qu'il a guidés. Tu lui demandes donc de t'accorder à toi aussi ce bienfait. C'est-à-dire de la même manière que tu as guidé ces gens, guide-moi moi aussi, oh Allah. Guide-moi avec ceux que tu as guidés. Et il en est de même pour la suite de l'invocation lorsque l'on dit Wa'afini fi man afait. Préserve-moi avec ce que tu as préservé. Et ceci est donc la deuxième demande que tu adresses à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette invocation. Tu lui demandes quoi? La préservation. Mais la préservation de quoi? Lorsqu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, la première chose qui nous vient en tête, c'est quoi? C'est la préservation de la santé. La préservation contre les maladies, la préservation contre les accidents ou autres choses semblables qui peuvent atteindre quoi? Qui peuvent atteindre le corps. Mais il y a une autre chose à préserver qui est encore plus importante que la santé de ton corps. Qu'est-ce que c'est? C'est la préservation de ton cœur. Et tu dois avoir ça en tête lorsque tu invoques. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver des maladies du corps, mais aussi des maladies du cœur. Car les maladies du cœur, en réalité, elles sont plus graves, plus dangereuses et plus nuisibles que les maladies du corps. En effet, il est possible que le corps d'un homme, il soit atteint de toutes sortes de maladies et que cet homme soit en très mauvaise santé. Mais que malgré ça, son cœur soit empli de foi, son cœur soit attaché à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il se soumette alors à Allah et accomplisse des œuvres pieuses malgré sa maladie. Alors celui-ci, Allah subhanahu wa ta'ala, il sera satisfait de lui. Et inversement, il se peut qu'un homme, il soit en très bonne santé, en bonne santé physique, mais que son cœur soit malade, son cœur soit noirci par les péchés, noirci par la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, noirci par les ambiguïtés et les innovations. Alors, il ne se rappelle que très peu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il accomplit des œuvres mauvaises qui l'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors celui-ci, à votre avis, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de lui? La réponse est non, bien sûr. Sauf s'il se repent et revient à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver des maladies du corps, mais aussi des maladies du cœur. Les maladies du corps, elles sont connues. Il y a différentes sortes de maladies qui peuvent toucher la personne. Et les maladies du cœur, quelles sont-elles? Elles sont de deux sortes. Premièrement, il y a les maladies qui sont liées au désir. Et celles-ci, elles proviennent des passions. Et la deuxième sorte de maladie, ce sont les maladies qui sont liées aux ambiguïtés, qui proviennent quant à elles de l'ignorance. Les maladies liées au désir, ce n'est pas seulement les désirs charnels, mais cela englobe tout ce que la personne veut et désire alors que cette chose s'oppose à la droiture et à la vérité. Comme le désir, par exemple, de faire un quelconque péché, comme le vol, le mensonge, l'injustice, la médisance, ou autre parmi les péchés qui s'opposent à la droiture et à la vérité. Et ceci fait partie des maladies du cœur. Et ce sont les maladies liées au désir qui proviennent des passions de la personne. Quant aux maladies liées aux ambiguïtés, elles proviennent de l'ignorance. En effet, si tu observes la situation de l'ignorant, tu verras qu'il sera souvent rempli d'ambiguïté. Il œuvre dans le faux et il pense être sur la vérité. Pourquoi? Car en réalité, il ignore la vérité. Il ne sait pas ce qu'est la vérité. Et il n'y a pas de doute que ceci est une maladie très dangereuse. Et son remède, c'est l'apprentissage de la science authentique auprès des gens de science et de confiance. Tu demandes donc à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette invocation de te préserver des maladies du corps ainsi que des maladies du cœur parmi les désirs et les ambiguïtés liées aux passions et à l'ignorance. Tu dis ensuite « وَتَوَلَّنِي فِي مَنْ تَوَلَّيْتْ » « Prends-moi pour allié avec ceux que tu as pris pour allié. » C'est-à-dire que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder son alliance particulière. « Al-wala et al-khas » celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde spécifiquement à ses serviteurs croyants. Comme il dit dans son noble livre, subhanahu wa ta'ala, « Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum minal dhulumat ilan nur » Allah est le wali, l'allié, le défenseur, le protecteur de qui? De ceux qui ont cru, ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour alliés qui? Les tagouts, qui les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Tu demandes donc à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette invocation de t'accorder cette alliance particulière qui implique que tu obtiennes la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que son secours et la réussite dans l'accomplissement de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Ensuite tu dis « Wa barik li fima a'tayt » « Bénis pour moi ce que tu m'as accordé ». Tu demandes donc à Allah subhanahu wa ta'ala la bénédiction, al-baraka. Et qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction, elle désigne le bien qui est abondant et qui est durable. Cela vient du mot en arabe « al-birka ». Qu'est-ce que c'est « al-birka » Cela désigne un grand bassin d'eau. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le bassin? De l'eau, abondante et durable. Donc la baraka, la bénédiction, c'est le bien qui est accordé en abondance et de manière durable. Tu demandes donc à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ce qu'il t'a accordé. Et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé? Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé de nombreuses choses. Ces bienfaits, on ne peut pas les dénombrer. Et parmi ces choses, il y a par exemple l'argent, les enfants, la science et autres parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses serviteurs. Donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir pour toi ces choses. Car si Allah ne place pas sa bénédiction en ces choses, alors il n'y a pas de doute que tu seras privé de beaucoup de biens. Nombreux sont ceux parmi les gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont pauvres en réalité. Pourquoi? Car ils ne profitent pas de leur argent. Ils le réunissent, mais ils n'en profitent pas. Tu le vois avec beaucoup d'argent, mais il est avare. Et cette avarice, elle le pousse à négliger ses obligations, comme le versement de la zakat obligatoire par exemple, sans même parler des aumônes surérogatoires. Ou alors, tu le verras négliger les dépenses pour sa famille, ainsi que ses proches, parmi ceux qui sont à sa charge. Celui-ci, il n'y a pas de doute qu'il ne profite pas de son argent, mais il a en réalité été privé de la bénédiction de son argent. Nombreux sont ceux parmi les gens qui ont des enfants, mais ces enfants, ils ne lui sont pas profitables. Ils sont malfaisants envers lui. Ils ne lui tiennent pas compagnie. Ils lui parlent mal, ou autre parmi les formes de malfaisance. Ceux-là, ils n'ont pas reçu la bénédiction dans leurs enfants. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver et de nous accorder une descendance pieuse. Et pour cela, il n'y a pas de doute qu'il faut faire de grands efforts dans l'éducation correcte de nos enfants et de les éduquer selon les principes du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de la Ummah. Et il en est de même pour la science. Il y a des gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé beaucoup de science, masha'Allah. Mais malgré ça, il est semblable à un ignorant, un illettré. Tu ne vois pas l'effet de la science sur lui, ni dans ses adorations, ni dans son comportement, ni dans sa conduite, ni dans ses relations avec les gens. Il est tel un ignorant. Au contraire, il se peut même que la science, ce soit une cause de son orgueil et de sa vanité, wal'iyadu billah. Tu le vois alors méprisant à l'égard de ses frères, car il se pense supérieur à eux. Et celui-ci, il ne sait pas que cette science, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui en a fait grâce. Et si Allah subhanahu wa ta'ala voulait, il aurait été ignorant. Donc celui-ci, il ne profite pas de sa science et il a été privé de la bénédiction dans la science. D'autres, ils ont de la science, mais ils n'en font pas profiter les gens. Ils n'enseignent pas la science. Ils ne prêchent pas à l'islam selon ses capacités. Ils ne conseillent pas les gens. Ils n'écrivent pas. Ils ne font aucun effort dans la diffusion de cette science qu'il a apprise. Et ceux-là, ils sont nombreux. Combien parmi nos frères et sœurs ont voyagé pour l'apprentissage de la science dans divers pays? Et malgré cela, très peu sont ceux qui propagent cette science qu'ils ont apprise. Il n'y a pas de doute que ceci est une privation immense pour cette personne. Et en réalité, ceci provient du fait qu'elle a été privée de la bénédiction dans sa science, wal'iyadu billah. Alors que la science, elle fait partie des choses les plus bénites qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux serviteurs. Car celui qui enseigne la science et la diffuse parmi les gens, il a de grandes récompenses pour cela. Premièrement, car la propagation de la science, c'est une propagation de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prêcheur, celui qui appelle à l'islam, il est comme un mujahid. Il part à la conquête des cœurs. Il va conquérir le cœur des gens. Comment? En propageant la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, car la propagation de la science et l'enseignement de cette science, c'est une manière de préserver la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la protéger. Car c'est par la diffusion de la science que l'on préserve la religion. Troisièmement, en propageant la science, tu fais preuve de bienfaisance envers celui à qui tu l'enseignes. Car tu l'éclaires au sujet de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, lorsqu'il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance, selon ce que tu lui as appris, tu vas alors obtenir la même récompense que lui. Pourquoi? Car c'est toi qui lui indiquais ce bien. Et celui qui indique un bien, il obtient la même récompense que celui qui le fait. Quatrièmement, la personne elle est récompensée en enseignant la science et la propageant par l'accroissement de ses connaissances. Car enseigner la science et la propager, c'est une manière d'accroître ses connaissances. En effet, la science de l'enseignant ou la science du savant, elle augmente lorsqu'il l'enseigne. Pourquoi? Car l'enseignement, c'est une manière de réviser la science, mais aussi de prendre connaissance d'autres questions bénéfiques, que ce soit par la recherche ou même à travers des remarques pertinentes que peuvent adresser certains élèves. Regardez la différence, par exemple, entre ceux qui ont appris l'arabe puis qui l'ont enseigné et ceux qui l'ont appris ne l'ont pas enseigné. Ceux qui l'enseignent, leurs connaissances, elles sont fermes. Pourquoi? Car ils les révisent sans cesse. Alors que ceux qui ne l'enseignent pas, pour beaucoup, ils ont oublié nombre de leurs connaissances, wallahu al-musta'an. Donc la science, plus tu la propages, plus elle augmente, incha'Allah ta'ala. Malgré ça, ça ne veut pas dire que tout le monde doit se lancer dans le prêche, mais chacun fait en fonction de ses connaissances et de ses capacités. Tu dis ensuite dans cette invocation, waqini sharra ma qadayt, et protège-moi du mal de ce que tu as décrété. Et médite bien sur cette phrase, le mal de ce que tu as décrété. Car le mal, il n'est pas attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il décrète le bien, alors c'est un bien de façon absolue. Et lorsqu'il décrète un mal, son décret en réalité c'est un bien. mais c'est seulement ce qui est décrété qui est mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire? On va donner un exemple pour que ce soit plus clair, inshallah ta'ala. Par exemple, la sécheresse. Lorsque la pluie ne tombe plus, il n'y a pas de doute que ceci est un mal. Mais le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète cela, c'est en réalité un bien. Quelqu'un pourrait dire, comment cela peut être un bien, malgré toutes les conséquences néfastes que cela engendre? La réponse, elle se trouve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au verset 41 de Surat al-Rum, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer. À cause de quoi? À cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. Afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Seulement une partie. Regarde bien dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit بعض الذي عملوا, une partie de ce qu'ils ont œuvré. Car si Allah subhanahu wa ta'ala, il châtie sur terre les hommes pour tous leurs péchés qu'ils font, alors il n'y aurait plus de vie sur terre. Wallahu al-musta'an. Ensuite il dit لعلهم يرجعون, peut-être reviendront-ils. C'est-à-dire peut-être reviendront-ils vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce décret, tu vois quoi? Tu vois qu'il a une finalité qui est bonne et louable. C'est quoi? C'est que les gens reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Que les gens se repentent de leurs péchés. Qu'ils reviennent à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que la personne, elle doit réagir lorsqu'elle est touchée par une épreuve. Tu dois t'empresser de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. T'empresser de te repentir. Tu te remets en question. Et tu implores le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tes manquements et tes péchés. Et tu multiplies les œuvres de bien pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis ensuite, فَإِنَّكَ تَقَضِي وَلَا يُقَضَى عَلَيْكَ. C'est toi certes qui juge et on ne peut te juger. Le jugement ou le décret ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui juge et décrète toutes choses. Et on ne peut rien décréter contre lui subhanahu wa ta'ala car il a la royauté absolue. Ensuite tu dis, إِنَّهُ لَا يَظِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ. Ne sera jamais humilié celui que tu as pris pour allié, et ne sera jamais honoré celui que tu as pris comme ennemi. Ceci est comme une explication de l'invocation précédente lorsque tu dis وَتَوَلَّنِي فِي مَنْ تَوَلَّيْتَ. Prends-moi pour allié avec ceux que tu as pris pour allié. Car si Allah subhanahu wa ta'ala prend de ses serviteurs pour allié, il n'y a pas de doute que celui-ci ne sera jamais humilié. Et inversement, si Allah subhanahu wa ta'ala prend un homme pour ennemi, alors celui-ci il ne sera jamais honoré, mais il sera humilié. Donc si la personne, elle souhaite être honorée ici-bas, alors elle se doit de se soumettre à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'honneur et la considération, ils ne se trouvent pas dans les péchés et la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. L'honneur et la considération, ils ne se trouvent pas non plus dans le rassemblement des biens de ce bas monde. Mais l'honneur et la considération, ils se trouvent seulement dans l'obéissance et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, en lui vouant un culte exclusif et en se conformant à la voie de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu souhaites être honoré et être préservé de l'avilissement, tu dois alors suivre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de la communauté. Enfin, tu termines cette invocation en disant Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Béni sois-tu, ô notre Seigneur, et élevé. C'est-à-dire que tu fais des éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala par ces paroles. Tabarakta, que l'on a traduit ici par béni sois-tu, cela signifie que les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont nombreux et constants. Et ils touchent l'ensemble de la création. Toutes les créatures, elles profitent d'une part des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde. Et élevé, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est élevé par son essence et élevé par ses attributs. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ses créatures. Il s'est élevé au-dessus de son trône subhanahu wa ta'ala. Ce trône qui est la créature la plus élevée. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est élevé d'une manière qui convient à sa grandeur et à sa majesté. Et nous ne devons pas nous interroger sur le comment. Et la parole de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, est connue à ce sujet. Les salafs, rahimahumullah ta'ala, étaient unanimes à ce sujet. qui est prouvé par les textes du Coran et de la Sunna, ainsi que par la raison saine et la saine nature de l'homme. Et Allah subhanahu wa ta'ala est élevé dans ses attributs, c'est-à-dire qu'il possède les attributs les plus complets et les plus éminents. Et il n'est pas possible que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala soient touchés d'un quelconque manquement ou d'une quelconque défaillance. Mais les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des attributs parfaits. Et c'est par ces paroles que tu termines cette invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à son petit-fils, Al-Hassan ibn Ali, radiyallahu ta'ala anhuma. Et il est permis après cela de faire d'autres invocations en favorisant celles qui sont rapportées dans les textes. Ceci était donc une brève explication de ce hadith. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayran.